Michel, 13h passé de 3 minutes. Michel avec vous jusqu'à 15h30 pour chaque dimanche. C'est l'accordéon de nos régions, c'est le musette, c'est l'accordéon en tout et pour tout. Et on va débuter tout de suite. J'ai un petit problème de son quelque part. Voilà, ça ira mieux comme ça. Et on va commencer tout de suite avec Christophe Coineau et ça s'appelle Au soleil de l'Auvergne. Le chant des bois, puis du vent l'appel mélodieux. Je n'ai pas su voir les beaux yeux qui un soir pleurent pour me retenir. Mais c'est à mon tour de souffrir, et mon cœur supplie rempli d'espoir. Rendez-moi mes poteaux jolis, ma vieille maison, toutes mes belles chansons. Rendez-moi la fille jolie, dont les yeux baleins sont couleur du matin. Si vous allez là-bas ramasser, voulez-vous un beau bouquet de houx et de genêts en fleurs? Pour moi, voyez-vous tout cela, c'est le vrai bonheur au fond de mon cœur. Ma vieille maison, toutes mes belles chansons. Rendez-moi la fille jolie, dont les yeux malins sont couleur du matin. Si vous allez là-bas ramasser, voulez-vous un beau bouquet de houx et de genêts en fleurs? Pour moi, voyez-vous tout cela, c'est le vrai bonheur au fond de mon cœur. Sans mon vieux clocher qui tintait gaiement tous les matins, j'ai besoin de revoir les rochers, de marcher dans le creux des chemins. Si je pars là-bas, mon ruisseau chantera le même chant pour me bercer. Et je sais que pour me garder, le vallon joyeux refleurira. Rendez-moi mes poteaux jolis, ma vieille maison, toutes mes belles chansons. Rendez-moi la fille jolie, dont les yeux malins sont couleur du matin. Si vous allez là-bas ramasser, voulez-vous un gros bouquet de houx et de genêts en fleurs? Pour moi, voyez-vous tout cela, c'est le vrai bonheur au fond de mon cœur. Et on va continuer, bien sûr, en accordéon, avec cette fois-ci, ce sera Benoît Nortier, et il nous interprète le Passo Sartois, on change de région.

personne. On me les blés dans les champs d'alentour, au vent d'été, notre amour s'abandonne. Au boléro du mois d'août, qu'on danse joue contre joue, et que le soir on fredonne. Au soleil de l'amour, au vent d'été, est partie l'espérance. Souviens-toi du troubadour qui te chantait chaque jour le joli temps des vacances. Suite à une mauvaise impression de d'écriture de du CD, j'ai fait une dédicace qui ne devait pas être la bonne. Alors je vais recommencer. C'est de la part de Simone qui me demande toujours des valses. Et je crois que c'est pas une valse qui est passée, c'est une marche. Pour tous ses amis de l'accordéon, pour Mamie Geneviève, pour l'animateur, merci Simone et excusez-moi, mais malheureusement je n'y suis pour rien. Une espagnole. Orléans, non, il y en a des Espagnols à Orléans, mais c'est pas celle-là. C'est celle de Saint-Flour, de Jean Segurel. Et c'est Christophe Fano. Saint-Flour, la fille n'était pas folle pour y chercher l'amour. Elle se disait qu'en somme, y a que chez les Auvergnats qu'on trouve de beaux hommes, comme y en a pas chez soi. Mais pour danser la bourrée auvergnate, elle se tortillait comme un asticot, se frémoussant avec ses airs de chatte, tout comme si elle dansait le fandango. Thank you. ses airs de nonne, elle a dit chez les gars, tout comme à Barcelone, le soir sur les Ramblas. Elle avait de son père son accent catalan, elle tenait de sa mère l'art d'avoir des amants. Mais pour danser la bourrée auvergnate, elle se tortillait comme un asticot, se trémoussant avec ses airs de chatte, tout comme si elle dansait le fandango. Dans nos montagnes, les femmes n'aiment pas que les filles d'Espagne se frottent à leurs gars. Et la belle espagnole qui voulait faire l'avant reçut tant de torgnoles qu'elle a fichu le camp. Elle dansera plus la bourrée auvergnate en se tortillant comme un asticot. Qu'elle aille au diable avec ses airs de chatte. Chez nous on ne danse pas le fandango. Et on reste dans les montagnes d'Auvergne avec Fleurs des montagnes par Robert Monedière. Ils sont loin les soucis. Et on continue l'accordéon, bien entendu, avec cette fois-ci Christophe Coineau. Et c'est... Ou ça marche tout seul ou ça fonctionne pas. Le cha-cha du sabotier. Robert Monadière, Jean Séguerel et Jiméno. Tu fais des galoches que je portais lorsque j'étais tout mioche. Je m'en souviens comme d'un joli rêve d'enfant. C'était peu de choses, mais c'était du printemps. Sabotier, tu n'en fais plus d'aussi belle. Tu avais gravé, je me le rappelle, mon prénom entouré de feuilles de châtaignier. On regardait ça tous les soirs à la veillée. À notre âge, dans le village, lorsqu'on se rassemblait pour rire et chanter, en cadence, avec aisance, je battais la mesure avec les pieds. Sabotier, c'était tous les jours fête, le violon jouait dans toutes les têtes. Je n'étais pas bien riche, mais j'avais des sabots, et grâce à toi, sabotier, j'étais le plus beau. Et sabotier, qu'as-tu fait des galoches que je portais lorsque j'étais tout mioche? Je m'en souviens comme d'un joli rêve d'enfant. C'était peu de choses, mais c'était du printemps. Sabotier, tu n'en fais plus d'aussi belle. Tu avais gravé, je me le rappelle, mon prénom entouré de feuilles de châtaignier. On regardait ça tous les soirs à la veillée. À notre âge, dans le village, lorsqu'on se rassemblait pour rire et chanter, en cadence, avec aisance, je battais la mesure avec les pieds. Et sabotier, c'était tous les jours fête, le violon jouait dans toutes les têtes. Je n'étais pas bien riche, mais j'avais des sabots, et grâce à toi, sabotier, j'étais le plus beau. Au bac d'oiseau, et c'est joué avec l'orchestre de Benoît Nortier. Et c'est de la part de Mamie Simone pour... Mamie Geneviève pour Simone. Et pour l'animateur, merci. Ah oui, il y a des moments où on croise les, hein, on croise les mots. Enfin, Simone est peut-être Mamie après tout. le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Eh bien, bienvenue sur Arc-en-Ciel, et il a raison le monsieur. On va continuer par une bourrée, la bourrée piquée, avec Benoît Nortier. Non, c'est pas Benoît Nortier, c'est Christophe Coineau. Ah bah décidément, ça va mal aujourd'hui. Un placcio per lo burrillo. E perché saporio un pacco il burrillo piccato? Allì, sabonlo! Nous interprète maintenant au temps des majorettes de Jérôme Richard, Pascal Louberzac et Frédéric Langlais. Benoît Nortier. Thank you. Eh bien, on va écouter maintenant, je crois qu'on va écouter, c'est pas sûr encore, si, si. Le boléro en amoureux par Bernard Rual, là, que voici. Poursuivons l'émission d'accordéon de nos régions avec un air de cabrette par Christophe Coineau. bon l'été, la comté fleurette, au bois et au pré, c'est tout le pays qui en nous revit. Quand nous entendons ces jolies chansons, ohé, ohé, ohé, et mon bien rustique cabrette, les airs joyeux nous réchauffent le cœur. Le ciel est bleu, la nature est en fête, et tous les yeux sont couleur de bonheur. Un air de cabrette qui sent bon l'été, raconte et fleurette, au bois et au pré, c'est tout le pays qui en nous revit. Quand nous entendons ces jolies chansons, ohé, ohé, ohé, joue pour moi, oh ma bonne cabrette, chants et bourrées de notre vieux pays, de fredonner autrefois nos ancêtres, dans les hameaux blottis au pied des puits. Continue l'accordéon, bien sûr. Il est 13h53, oui, c'est bon. L'Userche Label par Bernard Rual et Fanny.

escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlena Voyage. Vous avez raison. Avec Arlena, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances, voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Et maintenant, Henri Ortiz nous interprète, nous joue, avec son orchestre bien sûr, la polka de plein pied. Poursuit avec Christophe Coineau qui nous interprète Belle nuit d'Andalousie, un passe doble signé Robert Monadière et Jean Segurel. Même en Auvergne, on fait des passe dobles et on pense même à l'Andalousie. Ce temple d'amour, méfiez-vous des tendres sérénades du garçon à la voix de velours. Vous, monsieur, prenez garde aux œillades de la trop jolie Ténorita. Malgré moi, un beau soir de fiesta, cœur battant, j'ai suivi Lolita. Belle nuit d'Andalousie, voile d'or sur nos folies, frénésie qui nous emporte, aux accents des joyeux tambourins, volupté qui nous apporte, un petit baiser coquet, dans les yeux de Lolita, l'aube surprenait toujours les derniers reflets de nos péchés d'amour. étoiles d'or sur nos folies, frénésie qui nous emporte aux accents des joyeux tambourins, volupté qui nous apporte un petit baiser coquin. Dans les yeux de Lolita, l'aube surprenait toujours les derniers reflets de nos péchés d'amour. On écoute maintenant Henri Ortiz et Trois Bourrées, la Plain Piédoise, la Berrichonne et la Berruyère. Je rappelle que les gens de Bourges sont des Berruyers. Et c'est de ma part, j'espère qu'il est à l'écoute, pour mon ami Jean de Saran et pour son épouse. On écoute donc Henri Ortiz. Bien voilà, il est 14h et 54 secondes. We'll be right back. se la poupée. Un berru, berru, berruyère, chacun sur un côté. Avec sa cavalière, ce n'est pas compliqué. Avec du pas traditionnel, tout peut s'improviser. Elle sera la plus belle, on tape des pieds. Pour donner la cadence, tournez et valser. Il n'y a pas de sens, chanter et danser. L'amour est berruyère, c'est la préférée. Ici on en est fiers, on danse la bourrée. La berru, berru, berruyère, chacun sur un côté. Avec sa cavalière, ce n'est pas compliqué. Avec les pas traditionnels, tout peut se reviser. Elle sera la plus belle. On danse la bourrée, la berru, berru, berruyère, chacun sur un côté. Avec sa cavalière, ce n'est pas compliqué. Avec les pas traditionnels, tout peut s'improviser. Elle sera la plus belle. Et maintenant, j'ai une dédicace. Ça, c'est Luís Godinho, un célèbre accordéoniste portugais, qui va nous interpréter Accordeonistas Portugais de la part d'Angélique pour le patron du Balaggio Bruno, Balaggio à Romorantin. Voilà, en lui souhaitant un bon après-midi. ça. Eh ben voilà, c'était Luis Godinho, un Portugais. Un vrai de vrai. On va écouter maintenant Guylaine Laure qui va nous chanter Belle montagne d'Auvergne. On est à la mi-temps de l'émission. Je rappelle les horaires de mes émissions le dimanche de 13h à 15h30 et le lundi de 14h à 16h, cocktail coloré. Belle montagne d'Auvergne, Guylaine Laure. De Christian Péchel, Gérard Guyonnet, Jean-Yves Duchesne. Les belles montagnes d'Auvergne, dans mon cœur c'est le plus beau pays. Qu'on soit de Murat, de Savennes, de Saint-Flour ou de Garabie. Si rien n'est plus fier qu'un Arverne, alors moi je suis sur les amis. Comment trouver mieux qu'en Auvergne, c'est ça mon. Ah oui, si j'avais mis le micro, ça serait mieux. On poursuit avec Benoît Chabot, retour de la feria. 96.2. La FM en couleur. On écoute maintenant Nathalie Bernat, Parfum des brouilleurs. Maintenant, nous interprète dans mon canto. danseurs, amis de Radio Arc-en-Ciel, il y en a quand même, heureusement pour moi. Je vais vous laisser 5 minutes en compagnie d'Albéric Francfort, oui, nouveau venu sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. je me vends. Je vais. peu au téléphone et puis le temps passe. On a écouté la Chabaudoise. La Chabaudoise, on a écouté Noche de Reyes, le cha-cha du dimanche, la polka jurassienne et Bésame Mucho à l'heure actuelle. Par Benoît Chabot. Sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission d'accordéon, bien sûr. Ce sera Guylaine Nord, ce sera Donnez-moi des roses, c'est de la part de Anne-Marie pour l'animateur, merci. Et puis l'animateur pour Anne-Marie, c'est le célèbre aller-retour du dimanche. Avec de gros bisous, bien entendu, aussi. Voici donc Donnez-moi des roses, Guylaine Nord, et accompagné par Jean-Yves Duchesne à l'accordéon, Jean-Yves Duchesne, son mari. Je ne veux plus de roses, mademoiselle, car mes rendez-vous n'existaient jamais. C'était pour vous voir, vous êtes si belle. Gardez mon bouquet, c'est vous que j'aimais. C'était pour vous voir, vous êtes si belle. Gardez mon bouquet, c'est vous que j'aimais. Une autre dédicace vient de tomber à l'instant. C'est de la part de Gaëtan de Férol pour la famille Roustin. Pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis, il n'y a pas de secret. C'est la famille Jean-Pierre Martins. Voilà. Notre animateur de Radio Arc-en-Ciel. Donc, de la part de Gaëtan de Férol pour la famille Roustin, voici Étienne de Normandie, la fille du moulin. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. J'y vais le soir même, quand je veux voir la fille du moulin, j'y le lendemain. Je t'aimerai, toi tu m'aimeras. Et les amours tendres, et les amours tendres. Je t'aimerai, toi tu m'aimeras. Et les amours tendres iront jusqu'au matin. Il nous reste à peine une demi-heure, 15h, 2 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On va écouter maintenant le bal de la marine par Benoît Chabot. Écoute maintenant les troubadours des bruyères et ce sera Reine des Champs. petit berger dans la plaine gardait son troupeau en chantant, contemplant la belle titi et la laine de ses jolis moutons tout blancs. Reine des champs, fleur du printemps, mon seul trésor, sais-tu combien je t'adore, reine des champs, pour mes 20 ans, dis-moi, veux-tu de mon cœur tremblant. Berger dans la plaine, gardait son troupeau en chantant, contemplant la belle titi et la laine de ses jolis moutons tout blancs. Reine des champs, si tu m'entends, nous resterons tous deux, toujours et longtemps. Reine des champs, Alexander. Eh bien, on va continuer. Il nous reste en gros, un bon quart d'heure. De toute façon, on se retrouve demain à partir de 14h pour cocktail coloré, accordéon, chanson, musique. Et on va pas passer un dimanche, on pensait à notre ami Patrick Rénal. Il nous interprète la maison de la culture. Ah non, mais c'est quelque chose. Hein. Ah, Malte, attention, hein, dans le Berry, ils sont pas tous comme ça. Hein. Tiens, regardez les maisons de la culture, on en voit partout à présent. Eh ben, qui te sait qui a eu la première? Qui te sait? Nous, les Berrichons, à Bourges. On a eu la... Ah oui, madame, on a eu la première maison de la culture à Bourges. Elle a été inaugurée par M. Malraux, il est venu lui-même l'inaugurer. Moi, j'y étais samedi, dites donc, j'étais surpris. Hein. Un samedi soir à Bourges, à la maison de la culture, ils ont joué du Tolstoï. À Bourges. Et en original. Eh ben, faut suivre. Hein. 2 heures de Tolstoï. Il y a un gars à l'entracte, il était content, je me sens dit, ça vous plaît? On dit oui, surtout l'entracte, parce que là, moi, je peux boire un coup, parce que le reste... Ah non, mais c'est vrai, tu sais, on voit que c'est tout, tiens, à la sortie, moi, j'ai vu un petit vieux qui était venu, hein, un petit vieux qui était au premier rang, vous savez, avec une belle barbe blanche, là, une moustache à la gauloise, c'était étonné de le voir dans une maison de la culture, surtout, c'est pour les jeunes. Ben j'ai dit, mais monsieur, mais vous êtes venu? Ben il dit, ben sûr, ça me plaît, moi, je m'instruis. Mais si vous avez quel âge? Et ben il dit, j'ai 88 ans. Ben je les ai pas, je vais les avoir au foin. Mais j'ai dit, mais c'est formidable, vous habitez Bourges? Ah, il dit, non. Il dit, je suis pas de Bourges, j'habite à 26 km, là, j'habite à Foissy. Et vous êtes venu de Foissy à la maison de la culture? Ben il dit, oui. Mais j'ai dit, mais c'est très bien, mais vous êtes venu comment? Ben il dit, je suis venu en vélo. À 88 ans? Ben il dit, oui, à 88 ans, je suis venu en vélo. Puis je vais repartir en bicyclette. Mais je dis, mais c'est formidable, ça. Mais vous êtes vraiment bien conservé. Ben, il dit, oui, le vélo, ça conserve. Je vais même vous dire autre chose, monsieur Rénal. Hein. C'est qu'à 88 ans, tel que vous me voyez là, je cours encore appeler les filles. Oh non, je dis, alors ça, c'est pas possible. À 88 ans, vous courez après les filles? Ah, il dit, oui, je cours après les filles. Il n'y a qu'un truc. Je me rappelle jamais pourquoi. Des étoiles. plein la tête. Eh bien, on va devenir sérieux un moment quand même. Parce que là, je vais vous crier alerte. Oh oui, vous pouvez me regarder, c'est vrai, alerte. Là, je vous regarde devant moi. Je sais pas si ça vient de l'éclairage, on dirait des jaunes. Le péril jaune, mes enfants. Ah, mais c'est pas de votre faute. On l'a entendu à la télé. On l'a vu à la radio. Ils nous le crient assez sur tous les toits. Les colorants. Et là où qu'on en est. Gardez-vous, mutuellement. Gardez-vous, allez voir un peu. Mais on va tous y passer, les gars. Ah, rigole, madame, mais vous êtes en train d'y passer aussi, car tout le monde en bouffe de ces machins-là. Eh oui. Non, mais on rigole avec ça, mais nous en avons assez parlé depuis quelque temps, hein. Vous avez vu l'étiquette de certains produits? Oh, oh, oh, oh. Un vrai code postal. Ah, si tu sais pas lire, tu peux pas bouffer. Non, mais rigole, vous avez vu un peu ce qu'on peut se taper derrière le chapeau? Hein? Vous avez vu les machins qu'ils appellent ça, comment on la yeux additif? Bon, tiens, on va prendre au hasard. Un gâteau de riz. Mes enfants. Qu'il peut y avoir là-dedans? Ah ben, rigole. Écoute bien, il y a du gélifiant E, 311. Il y a de l'émulsifiant E, 402. Il y a de l'épaississant E, 320. E, c'est à faire. Ah non, mais c'est grave. Tiens, pas plus tard que dimanche, à la maison, on avait invité le grand-père et la grand-mère à déjeuner. Et ma bonne femme, comme par hasard, au dessert, qui qu'elle amène? Un gâteau de riz. Ah, je dis la garce. Elle veut m'éliminer en famille, dis donc. L'empoisonneuse. Oh, mais j'étais pour vous, mais je dis, ben, commence donc. Ben, dis non, elle dit, non, non, vas-y, t'as qu'à commencer, toi, commence donc. Ben, je dis non. On aura fumelle dans le béret, on est galant. Prends-en dans un bout d'abord, on verra bien. La grand-mère, 88 ans, sourde comme un pot, l'a pas attendu, elle. Elle s'en est tapé un morceau. Oh, mes gamins. Trois secondes après, une minute, j'ai même pas compté. Un ovni. Ah, j'étais toute verte. D'un seul coup, elle a eu des poussées bleues cerises qui sont venues. Elle s'est mise à cavaler autour de la table, on aurait dit Mimoune. À cavaler, à cavaler. Et le grand-père qui dit, coince-la, coince-la. Oh, nom de Dieu, t'as qu'à la couille. Coince-la dans les ouetères, ça va pas tirer long, lui qui avait fait 14. Je la coince dans les ouetères. Alors là, j'ai donné 8 comprimés de la fauche-prenne montant. Hein. C'est pas facile à dire. Oh, bah, tu rigoles, il faut le dire. Hein. 8 comprimés de phénel, dismino, propétias, propirazole. Bah, oh, oh, oh. T'as qu'à penser à un gars qui est bête et qui va chercher son pharmacien avant qu'il dise ce qu'il veut, donc il est au week-end, hein, pour partir, hein, bon. Non, enfin, j'ai filé ça, après ça allait mieux. Oh, non, mais il y a de ces trucs quand même. Hein. Oh, mais il y a d'autres machins. Il y a aussi, attends, ouais, il y a du correcteur, E325. Du conservateur, parce que les Anglais, ça, fallait pas qu'ils nous oublient. E, ah non, c'est pas E, là, c'est PHE412. Non, mon rigole, mais regardez, tiens, prenons simplement nos hommes politiques. Eh ben, à force de bouffer tous les colorants qu'ils peuvent dans une année, on arrive en haut, ils savent même plus de quelle couleur qu'ils sont. Ah, mais c'est vrai! Ben, tiens, j'en reviens toujours à lui, puisque depuis que je connais, mon copain Berlodio. Blingue, dit-donc. Il est tellement gourmand, il arrivera à manger même des choses qui sont saines. Eh ben, l'autre soir, avant de se coucher, 3 gâteaux de riz qui s'est tapé. Quoi? 3! Le lendemain, au réveil, dites-donc, il se fout devant la glace pour se raser. Comment qu'il t'a fait? Pensez pas, Avec les colorants, il était tout jaune. Avec le riz, il avait les yeux bridés. Ben pour un berrichon qui se réveille le matin avec une tête de mandarin, ça fait drôle, hein. Et les autres à l'usine, ils disaient, hé, date dedans, Berlogno, c'est qui que tu cerques l'ambassade du Japon, toi, petit gars? Oh non, mais c'est grave quand même, les... Oh ben, il y a un autre truc aussi, là, on n'en parle pas souvent, l'arôme artificiel. Ah ça, on en voit dans les produits, arôme artificiel. Vous en avez senti déjà que ça? Ben, je sais pas si vous en avez. Moi, oui. À la foire à 100 points là-dedans. Je croise le Mathieu. Je m'approche, il fait « Bonjour Mathieu, ça va-t-il ?» Puis... Ben, j'ai dit « Mathieu... Ben, mon petit gars... Ben, tu t'ennuies, pote. Puis donc, je chante là... C'est quoi comme arôme, ça ? Et l'autre abruti prend un air dédaigneux, il me fait « brise de courgette ». Et j'y c'était dans quoi donc, ça ? Il me dit « dans une boîte d'haricots verts ». Eh ben, j'y dis « mon gars, si la boîte était pas éventée, toi, tu l'es ». Si t'es recherché par la police, ils vont te rattraper au flingue. Oh non, mais on en rigole, et dans le fond, on a bien raison d'en rigoler, parce que c'est grave. Mais moi, j'ai une solution. Ah oui, j'ai une solution. Et je l'ai trouvée il y a déjà un moment. Faut manger comme les animaux. Ah ben on rigole, mais c'est qu'un chien, ça mange pas n'importe quoi. Faut les voir, nos bêtes. D'abord, on n'a qu'à regarder, on voit bien plus de gens chez le docteur que de chiens chez le vétérinaire. Ah. Et si les cabots étaient à la sécurité sociale, elle serait pas en déficit, moi je vous le dis. Non, puis c'est vrai, c'est... Puis c'est varié. Moi, depuis que je mange comme eux, je me porte bien. Ben, le lundi, je mange une boîte de bœuf. Le mardi, je mange des abats de volaille. Le mercredi ou le jeudi, je mange une boîte de foie, ben après... Ah non, il n'y a que le vendredi. Ah, le vendredi, là, je mange comme mon chat... C'est le jour du poisson, ça c'est sacré. Non mais écoutez, franchement, gardez-en donc une leçon. Si vous voulez vivre en bonne santé pendant de longues années, faites comme ils disent dans la télé. Avec la pâté, c'est la forme assurée. À la suite. 15h28, on va se quitter dans quelques instants. Je vous laisse en compagnie d'RDP International en direct du Portugal. On se retrouve bien sûr demain pour Cocktail Coloré de 14h à 16h. Bonne soirée à tous et à toutes, et puis pour ceux qui reprennent le boulot, bon courage. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, mais à bientôt. Si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Il y aura d'autres musiques, d'autres bals, d'autres soirs de gala. On aura des nuits magiques, des bons jours et des bons soirs. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Il y aura d'autres dimanches, d'autres joies, d'autres chansons d'amour, des javas et des nuits blanches, des départs et des retours. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, mais à bientôt.